Chapitre 16e. Quand, 3 heures après, le colonel rentra à l'hôtel et qu'il s'informa de Thérèse, on lui dit qu'elle était seule. Et il monta à son appartement. « Eh bien, ma cousine, dit-il, comment trouvez-vous notre projet ? Quel projet ? Michel ne vous a rien dit ? Je n'ai pas vu Michel depuis que vous avez tenu votre conseil de guerre. » Cette réponse lui donna un mouvement de joie. Il était heureux d'apprendre lui-même à Thérèse l'arrangement qui avait été arrêté. « Ce conseil de guerre, dit-il, avait pour objet de s'occuper de vous. » Elle ne dit pas franchement « parlez vite », mais son regard le dit pour elle. Sa curiosité était en effet vivement surexcitée. « Dans une chose qui vous touchait personnellement, dit-il, j'aurais voulu tout d'abord vous consulter. Mais des raisons de convenance, dont vous sentirez toute la valeur quand vous saurez ce dont il s'agit, m'ont obligé à m'ouvrir d'abord à votre père, lequel a voulu mêler votre oncle et Michel à notre entretien. Voilà comment il se fait, ma cousine, que vous apprenez la dernière ce que vous auriez dû être la première à connaître. « Mais quoi ? » dit-elle, ne pouvant plus retenir cette question qui lui brûlait les lèvres. « Que diriez-vous d'un projet qui vous ferait rester ici tant que durera le siège ? Ici ? Chez vous ? » demanda-t-elle d'une voix que l'émotion rendait tremblante. Il la regarda longtemps sans répondre, ému lui-même par ce trouble qu'il voyait en elle. « Voici ce dont il s'agit, dit-il. J'ai eu l'idée d'établir une ambulance ici, et c'est à vous que je veux en confier la direction. »« La direction d'une ambulance, à moi ? Vous n'y pensez pas, mon cousin ?»« Quand je dis direction, il faut nous entendre. » Vous ne serez pas chargé de commander au nombre personnel que cette organisation va réunir. Médecins, infirmiers, cuisiniers, lingères, domestiques. Mais vous serez la maîtresse de cette maison, celle à laquelle on devra s'adresser dans les cas extraordinaires. Enfin, celle qui inspirera ce service. Mais je ne sais pas ce que c'est qu'une ambulance. Dans le rôle que je vous destine, il n'est pas besoin de savoir. Le cœur suffit. Mais, encore un mais. Je rencontre chez vous plus d'objections que je n'en ai trouvées chez votre père, chez votre oncle et chez Michel. Vous n'avez donc pas été heureuse de notre association d'hier ? Je n'ai rien fait. Et vous repoussez aujourd'hui une nouvelle association dans laquelle vous avez le rôle actif. Mais c'est là le principe même de l'association. Un jour, c'est un associé qui donne le plus, le lendemain, c'est l'autre. Je ne repousse pas votre projet, croyez-le bien. Mais je me demande où, si vous le voulez bien, je vous demande à vous comment vous avez eu la pensée de mettre dans un poste de cette importance une pauvre fille comme moi, qui ne sait rien, qui n'a jamais commandé à personne. J'ai pensé à vous, ma chère cousine, parce que j'ai foi en votre bonté et confiance en votre activité. Or, ce qu'il faut, avant tout, dans ce poste qui vous effraie, c'est de la bonté. Puis, avec la bonté, de l'activité, du zèle, du dévouement. Mais vous, mon cousin, moi, je ne serai pas ici. Ah ! Elle le regarda avec stupéfaction. Vous partez, dit-elle, ne pouvant retenir cette question. Il laissa échapper un geste de contrariété. Je viens de vous fâcher, dit-elle, un peu. Comment pouvez-vous admettre que je parte et que je vous laisse ici ? Je n'admets rien, je cherche et ne comprends pas. J'ai eu tort de me fâcher, pardonnez-moi. J'aurais dû vous expliquer les choses plus clairement. Et il fit part du projet de formation d'une compagnie de volontaires. Elle l'écouta en ne le quittant pas des yeux, pesant chacune des paroles qu'elle entendait et cherchant à comprendre ce qu'on ne lui disait point. Cela était d'autant plus difficile qu'il évitait avec soin de parler de Michel, ne prononçant son nom que lorsqu'il était impossible de faire autrement. Quant à l'opposition que son oncle avait craint de rencontrer dans Michel, bien entendu, il n'en dit pas un mot. C'était là un sujet interdit entre eux. Pour l'aborder, il aurait fallu parler de la promesse de mariage qui liait Thérèse à Michel, et depuis qu'ils étaient réunis, il n'avait jamais été fait la plus légère allusion à ce mariage. Thérèse n'en pouvait pas parler. Et de son côté, il n'en pouvait rien dire, puisqu'il avait pris l'engagement de ne pas laisser échapper une parole d'amour. Enfin, tant bien que mal, il résuma l'entretien qui avait eu lieu entre Antoine, Soriol, Michel et lui. « Voilà donc notre situation à tous. » dit-il en terminant ce récit. Vous et votre oncle Soriol ici, votre père où il aura besoin d'être, Michel et moi aux avant-postes. Comprenez-vous maintenant pourquoi j'ai voulu vous avoir ici ? Ne pouvant rester dans cette maison où j'aurais peut-être rendu de plus utiles services que là où je serais, j'ai voulu que ma place fût tenue par... Il hésite à un moment. Par celle qui est mon associée. Par ma cousine, ma petite cousine, que je sais bonne, dévouée, courageuse, en qui j'ai confiance et foi. Puis, ne voulant pas se laisser entraîner par l'émotion qui gonflait son cœur et par celle qu'il voyait dans les yeux de Thérèse, « Est-ce que ce n'est pas une bonne idée ? » dit-il en riant. « Allons, félicitez-moi un peu. Comment, vous, élève de Soriol, vous restez court ? Je vous assure que votre maître, lui, a trouvé des paroles pour qualifier cette idée, et de belle et de longue. » Thérèse n'était point de ces jeunes filles qui, au mot guerre, entraînaient moi. Et voient mort, celui qu'elles aiment. Enfant, elle avait été habituée à entendre parler de devoir, de patrie, de sacrifice à ses idées. Et quand son père agitait la question de savoir s'il entendrait bientôt une révolution, il n'était jamais question de danger ou de mort. On ne s'occupait pas de cela, ce n'était pas le principal. Ce n'était donc pas la pensée des dangers auxquels son cousin allait s'exposer aux avant-postes qui troublaient ses yeux et rendaient ses lèvres tremblantes. Elle leva sur lui ses yeux qui jetaient des flammes. « Si j'osais, » dit-elle d'une voix vibrante, et elle s'arrêta. Au contact de ce regard, il sentit un frisson courir dans ses veines et vivement il se rapprocha d'elle. « Eh bien, » dit-il en tendant les deux mains vers elle. Elle recula vivement et détourna la tête. Mais presque aussitôt elle revint vers lui, le visage souriant. « Eh bien, ce que je n'ose pas vous dire, c'est que vous êtes un magicien. » Il sentit ce qu'il y avait dans ce sourire, qu'elle avait eu la force de mettre comme un masque sur son visage pour cacher les vrais sentiments qui l'animaient, et lui aussi rentra dans la réalité. Il avait pris un engagement. Elle était sa cousine, elle serait sa femme. « C'est moins long que Soriol, » dit-il en s'efforçant de prendre un ton enjoué, « mais je suis satisfait. » Puis après un moment de silence qui lui permit de se remettre tout à fait, « Ainsi, il est bien entendu, n'est-ce pas, que vous prenez ma place et que vous l'occupez comme si vous étiez moi. Chaque fois qu'une difficulté se présentera, vous n'aurez qu'une question à vous poser. Que ferait mon cousin ? Et vous me connaissez assez bien, je l'espère, pour n'être jamais embarrassé pour la réponse. Maintenant, il pourrait très bien arriver qu'étant ici, je me trouvasse moi-même embarrassé. Alors je vous consulterai. Vous devrez donc, en vous déterminant d'après ce que vous savez de mon caractère et de mes idées, avoir égard aussi à vos propres suggestions. Comme cela, nous serons intimement unis d'esprit et de cœur, si bien qu'étant séparés, nous serons cependant ensemble comme... » Il avait beau faire, les mots dangereux arrivaient malgré tout sur ses lèvres. Il s'arrêta et, se reprenant, « Nous serons deux associés, deux amis. Avant de quitter cette maison, je donnerai des ordres et des instructions. » pour que vous soyez reconnue comme la maîtresse à qui tous doivent respect et obéissance. » Il hésita encore quelques secondes, puis se disant qu'il y avait une affectation plus dangereuse que la franchise même à éviter certains mots qui se présentaient fatalement, il continua. « Vous serez ici comme si vous étiez ma sœur, ou bien, pourquoi ne pas dire le mot, comme si vous étiez ma femme ?» Elle pâlit au point qu'il crut qu'elle allait défaillir. Elle balbutia quelques mots qu'il n'entendit pas, soit qu'il fût inintelligible, soit qu'il fût lui-même trop troublé pour comprendre. Alors il se hâta de continuer, parlant rapidement pour s'étourdir et s'entraîner par le bruit de ses propres paroles. « Il est bien entendu encore que vous aurez près de vous des personnes en qui vous pourrez mettre votre confiance. Les médecins que je vais choisir, votre oncle, Madame Bénard, qui est une digne et brave femme, pleine d'honnêteté et de droiture... Enfin Horace, qui vous sera dévoué comme il me l'est à moi-même, car il aime, qui j'aime, et je vous... Et j'ai pour vous une profonde tendresse, ma chère Thérèse. Mais quel que soit le mérite de ces personnes, j'entends bien que vous vous déterminiez toujours d'après vos propres inspirations, et que vous ne fassiez jamais rien contre ce que vous savez être mes idées. Mais, encore, mais, cela vous paraît difficile, n'est-ce pas ? C'est là ce que vous voudriez dire. Pourtant, il me semble que rien n'est plus facile. Vous avez entendu parler des spirites, n'est-ce pas ? Des médiums ? Oui ? Eh bien, pourquoi ne feriez-vous pas comme les spirites, qui croient pouvoir entrer en communication avec les esprits des morts ? Je ne serai pas mort, je ne serai qu'absent. Est-ce que, quand vous voudrez communiquer avec moi pour me consulter sur une décision qui vous embarrassera, vous ne pourrez pas évoquer mon esprit et l'interroger ? Mais oui, il me semble. Moi, je suis certain que là-bas, aux avant-postes, quand je vous évoquerai, je vous verrai comme si vous étiez devant moi, en personne. Je vous parlerai et je vous entendrai. Pour cela, il n'y a qu'à penser fortement à ce qu'on... Une fois encore, un mot trop fort se présenta, qu'il dut refouler. À ceux avec lesquels on est en communion d'idées et de sentiments. Est-ce que vous croyez que vous ne pourrez pas penser à moi aussi ? Elle joignit les mains sans répondre. Voulez-vous que je vous indique un moyen qui vous rendra cet effort d'imagination plus facile ? Elle continua de le regarder sans parler, les yeux éperdus. Quand vous serez la maîtresse de cette maison, vous ne recevrez pas ceux qui auront affaire à vous dans cet appartement. Et pourquoi ? Parce que ce serait compliquer le service, parce qu'il faut, autant que possible, éviter aux gens la fatigue et les marches d'escalier. Enfin, parce que cet appartement est votre chambre de jeune fille, dans laquelle les indifférents ne doivent pas pénétrer. Elle ne sera habitée que par vous. Vous recevrez donc dans mon cabinet de travail. Oh, mon cousin, il faut bien que je vous installe quelque part. Tout le rez-de-chaussée sera réservé à l'ambulance et à ses services. Les tentes que je vais dresser dans le jardin seront habitées par les blessés. Les appartements du rez-de-chaussée appartiendront aux convalescents. Mon cabinet de travail et la bibliothèque seront à vous. Eh bien, dans ce cabinet, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un portrait de moi assez ressemblant. Lorsque vous voudrez me consulter, vous n'aurez qu'à regarder ce portrait, et je me figure que mes yeux vous répondront. Voilà mon moyen. Ne pourrais-je pas vous écrire ? Mais je l'espère bien. Sans doute le service de la poste ne se fera pas. Aussi devrons-nous le remplacer par un messager particulier, qui m'apportera votre lettre et vous rapportera ma réponse. Seulement, je vous demande instamment de ne pas attendre cette réponse pour vous décider. Ce que je désire, ce que je veux, si vous me permettez de parler ainsi, c'est qu'en tout vous fassiez acte de maîtresse de maison, d'associée. Ce n'est pas seulement un labeur que je vous impose. En établissant cette ambulance, je désire goûter la satisfaction qu'on éprouve à faire un peu de bien. Cette satisfaction, je veux que vous la goûtiez avec moi. Il me plaît que nous soyons associés. Cela ne vous plaît-il pas aussi ? Elle voulut répondre, mais des larmes lui montèrent aux yeux, et elle se tut, étouffée par la joie. Pour faire acte de maîtresse de maison, dit-il, il faut être vraiment maîtresse, et pour cela je ne connais qu'un moyen tout à fait décisif, c'est de tenir la clé de la caisse. Vous ne sauriez croire comme on obéit à l'argent et comme on le respecte. Je ne veux pas vous donner les tracas de la comptabilité et de la dépense de cette maison, ce qui sera assez lourd et surtout compliqué. Horace sera chargé de ce soin avec des employés que je lui choisirai. Mais je veux que dans les grandes circonstances, alors qu'il ne s'agira pas de choses ordinaires et courantes, vous interveniez et fassiez parler votre autorité, qui, ne l'oubliez pas, sera la mienne. Pour cela, j'ai été vous choisir ce petit livre. Disant cela, il tira de sa poche un carnet semblable à celui qu'il avait pris dans son bureau pour envoyer des chèques au maire. Vous reconnaissez ce livre, n'est-ce pas ? C'est un livre de chèques. Précisément. Je l'ai pris à votre intention en vous faisant ouvrir un compte à l'American Bank. Votre crédit est illimité. Vous pourrez donc écrire sur ce petit livre aussi souvent que besoin sera. Ces feuillets s'épuiseront, mais le crédit ne s'épuisera pas. Quand le livre sera fini, vous en ferez demander un nouveau. Mais je n'aurai pas besoin d'argent, il me semble. Vous vous trompez. Et si vous voulez agir pour moi, vous en aurez au contraire souvent besoin. Ainsi, laissez-moi vous citer un exemple. Plus d'un de nos blessés guérira, je l'espère. En sortant d'ici, où ira-t-il ? S'il est complètement rétabli et sain et sauf, il retournera à son régiment. Alors il n'aura pas besoin d'un grand secours, car le soldat qui a sa poche pleine est bien souvent un mauvais soldat. Mais il ne sera pas toujours sain et sauf. Il sera quelquefois estropié d'un bras, d'une jambe, et il ne retournera pas à son régiment. Que deviendra-t-il ? Vous l'aurez fait causer pendant sa convalescence. Vous le connaîtrez. Vous saurez quels sont ses besoins et ceux de sa famille. C'est alors que vous vous servirez de ce petit livre. Vous écrirez sur une feuille la somme que vous jugerez nécessaire à notre blessé. Vous détacherez cette feuille et vous la lui donnerez en lui indiquant l'adresse de l'American Bank. Une fois sorti, le pauvre garçon ouvrira son petit morceau de papier et son cœur vous bénira. Vous voyez bien que vous aurez besoin de ce livre, quand ce ne serait que pour éviter les scènes de remerciements quelquefois gênantes. « Et moi, dit-elle, comment vous remercierai-je jamais ? Me remercier, mais vos yeux ne font que cela. Il n'est pas besoin de paroles entre nous, chère cousine, puisque nous nous comprenons. »